C'est une bonne nouvelle pour un des joueurs de Normandin, Philippe Paradis, qui a signé une nouvelle entente avec le Lightning de Tampa Bay, un contrat de deux volets. On a une question de savoir comment ça va. Bon, on lui parle. Salut, Philippe. Oui, ça va. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Philippe. Honnêtement, ça m'a surpris parce que je vais être bien honnête avec toi. Je m'attendais que ton chien était mort avec le Lightning parce que je regardais ta fiche 8 buts en 34 matchs, mais je me suis dit, il y a une fenêtre pour un joueur à Tampa Bay National. Puis finalement, ben, tu m'as fait mentir, puis bravo. Nouvelle entente avec le Lightning et Tampa Bay. Oui, je suis très content. Je m'attendais un peu. On avait des bons pour parler. OK. Il était tout le long de la saison, il était content de mon développement, de ma saison. Puis, il était content du leadership, de la bonne exemple que je montrais justement en haut de la glace, sur la glace, en se parlant, de travailler fort, puis pas prendre de lousse. Ce que j'ai bien aimé, c'était bien le fun de recevoir ce compliment-là. Puis, le Classic Sunday, ils m'ont refait un contrat pour l'année prochaine. OK. Allez, Philippe, si on parlait maintenant de est-ce que c'est Julien Brisebois que tu fais affaire avec Julien Brisebois dans ce cas-là? Je te dirais plus. C'était Steve et Julien. Vu que c'est un contrat Ligue nationale, dans ce temps-là, Steve, il met son nez là-dedans aussi parce que c'est justement Ligue nationale. Mais quand c'est les contrats seulement Ligue américaine, c'est Julien qui a le contrôle de tout ça. OK. 6 pieds 2, 212 livres, c'est ton gabarit. T'es un gars physique. Le Lightning, c'est une petite équipe aussi. C'est pas nécessairement l'équipe la plus physique de la Ligue nationale. Est-ce que selon toi, ça l'a aidé au fait que le Lightning a décidé de te re-signer? C'est sûr que ça l'a aidé. C'était en fait pour ça qu'il était venu me chercher le 2 ans. Puis, justement, quand tu regardes le bassin de joueurs, la personne qui repêche un peu, c'est tout dans le même mois, là, je te dis. Fait que c'est pour ça que ça encourageait pour moi à rester avec Tampa Bay, puisque justement, dans ma position, dans mon rôle, dans l'équipe, peu importe, dans ce qui me voit jouer, si mettons, je me rends avec le Lightning, c'est comme un joueur comme moi, puis ils n'en ont pas. Fait que c'est merveilleux. C'est pour ça qu'on s'est bien entendu, puis qu'ils ont décidé de me garder OK, c'est une bonne organisation aussi. Je pense qu'ils ont bien développé les jeunes. Ils ont axé beaucoup sur le développement des jeunes aussi, le Lightning. Et donc, c'est encourageant aussi de faire partie de cette organisation-là. Ah oui, beaucoup. Tu le vois, ils ont gagné la Coupe Calder le 3-4 ans, je te dirais. Puis, si tu regardes les joueurs qui ont amené le Lightning à la Coupe Stanley, c'est pas mal tout le même noyau qui était à Norfolk d'antan qui a gagné la Coupe Calder dans la Ligue américaine. Puis, ce noyau de jeunes-là, ils les ont gardés, ils ont bien entouré, ils ont mis beaucoup de temps avec eux autres. Puis, en ce temps, tu regardes la Lightning de Tampa Bay, les gros noms qui ressortent, c'est des gars comme Palat, Johnson. C'est sûr que c'est Stamkos, mais tu sais, Palat, Johnson, ça a été Trevorio, Gudas, tu sais, t'avais des gros gars que les autres, ça arrivait tout dans la Ligue américaine. Fait que là, c'est encourageant pour les autres joueurs, tu sais. Ils prennent le temps de se développer, c'est rare qu'ils lancent la serviette sur un jeune. Puis, c'est vraiment le problème quand tu es justement dans la Ligue américaine, tu dis au moins, j'ai des chances de monter, je chercherai pas ici, je perdrai pas mon temps dans la Ligue américaine, puis tu sais, c'est vraiment, là, comment je te dans le terme anglais, là, c'est vraiment le players organization, ouais. Parce que tu sais, ils vont mettre beaucoup d'argent et d'investissement dans la Ligue américaine, tu sais, c'est pas juste un état pour dire que t'as l'avenir, ça se passe. Je pense que le développement d'une équipe en 2015, une équipe championne de la Ligue, tu regardes le Lightning, tu regardes les Hawks, c'est sûr que les Hawks, ça l'a aidé avec Jonathan Tate, Patrick Kane, mais c'était beaucoup le développement des joueurs, là. Par le marché des joueurs autonomes, par les échanges en 2015, ça se fait difficilement, là. Ah oui, c'est sûr. Ben, surtout avec le salaire cap à c'est tellement dur de garder, c'est ton noyau de joueurs à 7-8 millions, puis après ça, l'entourage de ça, c'est tous des jeunes maintenant. Tu n'as plus des vieux, il y en a encore qui sont capables de faire de place, mais avec les jeunes, ils coûtent tellement pas cher, c'est tellement facile à faire rentrer dans le cadre salarial que c'est ça qui vient encadrer les vedettes et tout. Tu regardes comme un gars comme Sad à Chicago, c'était 2-3 ans qui était là, mais là, avec le nombre d'argent qu'ils donnent aux 16 games, tous ces gars-là, ils ont plus le choix de garder. Tu prends un noyau, puis après ça, tu bâtis l'avenir avec tes jeunes autour de ça. Puis à un moment donné, tu n'auras pas le choix de soit t'en départir ou de faire des gros sacrifices. Okay. c'est ça, c'est une game de mathématiques pour les DG. Ben ouais. Hey, Philippe, si on parlait de ton genou, comment ça va présentement? Parce que, bon, t'as joué 34 parties, ton genou a été la victime, blessure sévère au genou. Normalement, un genou, c'est jamais facile, une blessure. Est-ce que la récupération se passe bien? Oui, j'ai eu la chance de faire beaucoup de recadrement justement à Syracuse, dans l'équipe école. Puis en plus de ça, deux games avant moi, il y a un autre joueur aussi qui s'est blessé, la même affaire. On s'est fait opérer le même jour. Okay. Fait qu'on s'est suivi, on s'est suivi depuis ce temps-là. Puis ça a super bien été. Là, ça fait 4 mois et demi, je dirais environ. Puis il vient juste de recommencer à patiner. C'est la première fois en 4 mois. Okay. Puis non, le développement, le suivi se passe super bien. Je dirais que j'étais un mois en avance. Je serais censé être, puis je suis vraiment un bon gars de physio à Québec. Puis non, le développement, c'est super bien. C'est juste en prendre du temps. Tu peux pas battre la tête plus qu'il faut. Fait qu'on essaie de rentrer dans les cordes qu'ils disent. Puis non, en ce moment, le suivi va bien. Mon genou va super. C'est quoi la récupération d'un joueur qui a subi une sévère blessure au genou? C'est quoi la récupération? Qu'est-ce qu'on fait, la récupération? Le laps de temps nous dit entre 6 à 8 mois avant qu'il soit complètement rétabli pour qu'il dise le feu vert et embarquer sur la glace sans même y penser. Là. C'est entre 6 à 8 mois. OK. Mais c'est quoi la récupération? Qu'est-ce que tu fais c'est pour remettre le genou en forme? J'imagine que c'est beaucoup d'entraînement en gymnase, quoi? Ah, ben, au début, c'est beaucoup de. Alors, gagner ta force physique parce que pendant un bout, ta jambe, tes muscles. C'est un petit rapide parce que tu l'utilises plus. Fait que c'est de renforcer ça, les quads et tout ça, le mollet, tout au début, c'est beaucoup musclé. Puis ensuite de ça, ben, avec les chantiers qui te donnent à un moment donné, ben, tu peux commencer à courir. Ben, ça, quand tu as commencé à courir, ben là, après un certain temps, tu peux commencer à faire de la plio, ce qui dit de courir, arrêter, de côté, faire plein d'affaires, sauter. Puis là, ça, c'est une autre étape. Puis après ça, l'autre étape, c'est de commencer à aller sur la glace. Tranquillement, pas vite, à tourner, breaker, changer de direction. C'est tout des suivis tranquillement, pas vite, que tu gagnes étape par étape. C'est vraiment un long échantillon. Ça donne rien de dépasser les étapes. Et la plus grosse partie est vraiment de reconstruire ton muscle autour du genou et de la jambe. Puis, en gagner ta motion, parce que comme moi, ils ont changé le ligament croisé antérieur. Fait que là, il faut que tu réhabitues ton nouveau muscle qui met là, en fait. Il n'est pas habitué de la plier de la même façon que maintenant il est obligé de faire. C'est quand même un long processus, mais comme j'ai dit, c'était tellement bien encadré que ça s'est super bien fait. Puis dans le temps de dire, moi puis mon coéquipier, on a pris un mois et demi d'avance sur le temps qu'on était censé être. Que non, pour ça, Tu te sens-tu prêt maintenant à passer à une autre étape? T'as quoi, là? T'as été repêché en 2009, ça fait 6 ans, donc t'as été rendu à 24 ans. J'imagine que tu dois être prêt là, à passer à une autre étape, là? La Ligue jouer quelques matchs dans la Ligue nationale à tout le moins? Ouais, c'est sûr que pour être prêt, on est pas loin, on est prêt, on est peut-être même là, mais ça prend. Pour te rendre à Ligue nationale, ça prend beaucoup de temps, ça prend du timing, ça prend le talent, ça prend. Des fois, ça me prend juste quelqu'un qui est blessé, j'ai un match, puis boum, tu fais ton nom dans l'international en un match, puis après ça, il y en a qui font des carrières à partir de ça. Fait que ça prend beaucoup de soutien. Oui, c'est sûr que ça prend le talent, ça prend, faut être prêt physiquement, mentalement, tout ça. Mais des fois, comme je pensais l'année passée, la façon que je jouais juste avant de me faire blesser, c'était, j'ai eu un début de saison un petit peu plus lent. À un moment donné, l'équipe, justement, on cherchait un petit peu, puis il m'a mis avec une nouvelle ligne, les trois, on a cliqué ensemble. Ça allait super bien, ça allait vraiment bien, puis moi, je me suis blessé. Mais tu sais, je commençais à y penser, c'est des petites assises, tu regardes comment que le Lightning se comporte, les blessés comme l'année passée. On a toute l'année jusqu'à un mois, peut-être, avec la saison finisse. C'était pas bien, il y avait zéro blessé à l'attaque, on a un, puis c'est là que Cédric Paquet, il a fait son nom, puis il n'a pas redescendu de l'année. Mais des fois, ça ne prend pas grand-chose, mais c'est pas lâché, c'est toujours les croix. C'est pas loin. Quand tu es dans l'Américaine, ça prend juste un coup de téléphone, puis tu sais, ça prend juste une ligne des fois. C'est pas lâché, puis tout le temps, il est espéré. C'est ça qui me reste à faire. C'est pas lâché, justement, d'en revenir plus fort, d'en faire plus. Surtout que vivre... Surtout que vivre à Syracuse, ça doit pas être sexy ben là. C'est mieux que Normandin, là, mais pas dire mieux. Ah, C'est un petit peu mieux, juste un petit peu mieux que Normandin, là. Hey, question maintenant. Tu passes l'été à Québec, j'imagine, là, comment ça va fonctionner pour toi cet été? Ouais, je suis à Québec durant la semaine complète. Justement, je m'entraîne, j'ai mon suivi de physiothérapeute. OK. Ben, Philippe, félicitations de m'avoir fait mentir, parce que j'étais sûr que ton chien était mort pour la Ligue nationale. Si le Lightning a décidé de renégocier puis de te, pour un an, ben, je pense que quelque part, c'est qu'ils ont encore confiance en toi, puis on va s'en reparler au cours de la saison. C'est bon. Philippe Paradis de Normandie, c'est une nouvelle entente avec le Lightning de Tampa Bay la semaine dernière.